Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous allons voir aujourd'hui la définition du tarout. D'après la langue arabe, le mot tarout prend sa racine du mot tourian, ce qui signifie transgresser, dépasser les limites. Dans le vocabulaire islamique, le tarout est quiconque dépasse ses limites, puis s'attribue à lui-même un droit exclusivement réservé à Allah, et se place à l'égal d'Allah dans ce qu'il s'est réservé. Qu'est-ce qu'un tarout ? L'imam Malik a donné une définition du tarout qui est « Le tarout est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah ». Ceci est une bonne définition générale, car elle englobe tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Parmi ces divinités considérées comme tawarit, on trouve les statues, les idoles, comme les tombeaux, les pierres, les arbres, entre autres parmi les choses inanimées, les lois différentes de celles d'Allah qui règlent les litiges entre les gens, les juges qui jugent avec ces lois différentes, Satan, les sorciers, les devins, ceux qui prétendent connaître l'invisible, ceux qui sont adorés et satisfaits de l'être, ceux qui s'attribuent le droit de rendre halal ou de rendre haram ou de légiférer, tout cela sont des tawarit, pluriel de tarout, qu'il faut renier, désavouer, ainsi que ceux qui les adorent. L'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab a dit « Les tawarit sont nombreux, et leurs principaux sont au nombre de 5. Le premier, Satan, le prêcheur qui appelle à l'adoration d'autres qu'Allah. La preuve en est la parole du Très-Haut. Ne vous ai-je pas engagé, enfant d'Adam, à ne pas adorer le diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. » Sourate 36, verset 60. Le deuxième, le juge tyran, qui modifie les lois divines. La preuve en est la parole du Très-Haut. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi, et à ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le tarout, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Sourate 4, verset 60. Le troisième, celui qui juge avec autre que ce qu'Allah a révélé. Allah a dit, et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Sourate 5, verset 44. Ce qui est visé par le shirk ici, c'est le juge qui juge avec la législation de celui qui l'a modifié. Le quatrième, celui qui prétend connaître l'invisible en dehors d'Allah. Allah a dit, c'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable, nul autre que lui ne les connaît. Sourate 6, verset 59. Cinquième, et dernier, celui qui est adoré en dehors d'Allah, tout en étant satisfait. La preuve en est la parole du Très-Haut, et quiconque d'entre eux dirait « Je suis une divinité en dehors de lui », nous le rétribuerons de l'enfer. C'est ainsi que nous rétribuons les injustes. Sourate 21, verset 29. Et sachez que le serviteur d'Allah ne saurait être musulman sans désavouer le tarout. Il ne pourra y mécroire tant qu'il ne sait pas ce qu'est le tarout. La mécréance du tarout est le premier pilier du tawahid. Quelles sont les conditions du désaveu du tarout? Les conditions du désaveu du tarout sont: premièrement, la conviction de la nullité de l'adoration du tarout. Le Très-Haut a dit « Il en est ainsi parce qu'Allah est la vérité, et que tout ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux, et qu'Allah, c'est lui le haut, le grand. » Sourate 31, verset 30. Deuxièmement, le délaissement ainsi que l'éloignement, c'est-à-dire délaisser l'adoration du tarout. Allah a dit: nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du tarout ». Sourate 16, verset 36. Il faut savoir que le délaissement ici s'opère à trois niveaux. Le délaissement par le cœur, le délaissement par la parole et le délaissement par les actes. On ne peut dire d'une personne qu'elle a délaissé le tarout et s'en est écartée tant que le délaissement ne s'opère pas à ces trois niveaux. En effet, parmi les gens, il y en a qui délaissent le tarout par la parole et les actes, mais ne le délaisse pas par le cœur. Telle est la situation des hypocrites. Parmi les gens, il y en a qui le délaissent par la croyance, mais ne le délaissent pas par la parole, comme ceux qui jurent sur le respect des statues, idoles et tawarit. Parmi les gens, il y en a qui le délaissent par la croyance, mais pas par les actes, comme ceux qui se prosternent devant le tarout ou ont demandé son jugement. Ainsi, on en déduit qu'une personne ne peut être considérée comme ayant rejeté le tarout tant que le délaissement ne s'est pas effectué à ces trois niveaux. Il se peut qu'une personne nous dise « S'écarter du tarout et le délaisser n'implique pas le fait de s'en écarter par les actes, il suffit de s'en écarter par le cœur et les paroles. » En réponse, nous disons « Cette parole est insensée, et la raison en est qu'Allah nous a montré le sens de l'écartement, et cela doit être fait par le cœur, la parole et les actes. » Allah a dit « Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. » Sourate 5, verset 90. Il est connu que si une personne croit dans son cœur que le vin est interdit, et proclame haut et fort cette croyance, mais malgré cela, elle persiste à en boire et ne délaisse pas cet acte, c'est-à-dire que ses actes ne sont pas conformes à l'écartement, alors nul ne dira de cette personne qu'elle s'est écartée du vin, mais on dira que cette personne est un buveur de vin qui mérite une punition, cette personne restant musulmane mais désobéissante. Aussi, celui qui croit que chercher un jugement auprès du Tarout est un acte de mécréance, et proclame cette croyance haut et fort, mais malgré cela il persiste à y recourir et attribue l'adoration de demande et de justice au Tarout, et ne la délaisse pas, alors aucune personne sensée ne dira qu'il s'est écarté du Tarout et de son adoration, mais on dira que c'est un adorateur du Tarout, associateur à son Seigneur. Troisièmement, prendre pour ennemi. Allah a relaté les paroles d'Ibrahim lorsqu'il dit à son peuple : Que dites-vous de ce que vous adoriez ? Vous et vos vieux ancêtres, ils sont tous pour moi des ennemis, sauf le Seigneur de l'univers. Sourate 26, versets 75 à 77. Quatrièmement, détester. Allah a dit : Certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui. Quand ils dirent à leur peuple : Nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. Entre vous et nous, l'inimité et la haine sont à jamais déclarées, jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Sourate 60, verset 4. Cinquièmement, excommunier, c'est-à-dire qu'il faut traiter de mécréant le Tarout, ainsi que ceux qui l'adorent, ceux qui le prennent pour allié, et il faut traiter de mécréante toute personne prêchant ou venant avec la religion de la mécréance. L'imam Mohammed ibn Abd al-Wahhab a dit : Sache qu'Allah te fasse miséricorde, que la première obligation qu'Allah a imposée aux enfants d'Adam est la mécréance au Tarout et la croyance en Allah. La preuve en est la parole du Très-Haut : Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire : Adorez Allah et écartez-vous du Tarout. Sourate 16, verset 36. Quant à la façon de mécroire au Tarout, il faut que tu sois convaincu que l'adoration d'autre qu'Allah est vaine, que tu la délaisses, que tu la détestes et que tu traites de mécréants ses partisans et que tu les haïsses. Il dit encore, qu'Allah lui fasse miséricorde, sache que l'homme ne saurait être croyant sauf s'il mécroit au Tarout. La preuve en est la parole du Très-Haut. Donc quiconque mécroit au Tarout, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Sourate 2, verset 256. Source, Majmou' at-Tawahid, première Risala, pages 14 à 15. Il dit encore, qu'Allah lui fasse miséricorde, Allah, Allah, ô mes frères, accrochez-vous à la base de votre religion, son commencement et sa fin, son principe et son origine, le témoignage de la ilaha illallah, puis apprenez sa signification et aimez-la. Aimez ses adeptes et faites en sorte qu'ils soient vos frères, même s'ils vous sont lointains. Puis mécroyez aux Tawahid, et haïssez-les, détestez-les et détestez ceux qui les aiment, ou qui polémiquent à leur sujet, ou qui ne les traitent pas de mécréants ou disent « Qu'ai-je à faire d'eux ?» ou « Allah ne m'a pas chargé d'eux ?» Car en disant cela, ils forgent un mensonge sur Allah. Allah certes les a chargés d'eux en leur ordonnant de les renier, de les désavouer, et cela même s'il s'agissait de leurs frères et de leurs enfants. Allah, Allah, accrochez-vous à cela. Peut-être rencontrerez-vous votre Seigneur sans rien lui associer. Ô Allah, nous te demandons de nous faire mourir musulmans et de nous faire rejoindre les gens pieux. Source, Majmou' at-Tawahid, 5e Risala.